Chapitre 5e, Luca Dolci chez la marquise Onesta Giustiniani. La marquise Onesta était assise sur un divan, dans un salon dont les murs étaient peints à la mode orientale. Ses yeux fixes et vagues, étrangers au monde visible, semblaient avoir retourné au-dedans toute la force pénétrante de leur regard, pour y suivre une profonde méditation. On annonça Luca Dolci. La marquise passa vivement la main sur son front et sur ses yeux, et son front redevint vivant et hautain, sa prunelle lucide et rayonnante. « Bonjour, mon cousin, » dit-elle gaiement. « Vous n'êtes pas au couvent. Tant mieux. Asseyez-vous. »« Je vous devais une réponse, madame, » dit le jeune homme dont la voix grêle, tremblante et mal articulée, indiquait une forte émotion nerveuse. « Je vous la porte. »« Ah, pour ce testament ? » ?»« Je n'y songe plus. J'ai eu tant d'affaires. » La marquise soupira et reprit avec un sourire amer. « J'ai été malheureuse depuis que je ne vous ai vu, messer Luca. »« Moi aussi, madame, » répondit le jeune homme. « Bon, » dit la marquise, « vous êtes un innocent. »« Nous sommes cousins, mais nos personnes ne se ressemblent guère, ni nos malheurs, je pense. Parlons d'autre chose. On étouffe ici. Ouvrez cette fenêtre, cousin. » Luca obéit, puis il revint, et s'arrêtant debout, immobile devant la marquise, il reprit d'une voix plus forte, mais plus tremblante encore, « Quand je vous ai demandé, il y a 2 jours, si vous seriez disposé à m'accorder votre main dans le cas où je serais libre de vous la demander. »« Ne m'avez-vous pas répondu oui, ma cousine ?»« C'est possible, après. »« Vous m'avez répondu oui, parce que vous saviez que je n'étais pas libre, que j'entrais au couvent. »« Sans doute, » dit la marquise. « Ensuite ?» Cette réponse fit monter subitement une rougeur enflammée au visage de Luca. Ses yeux se troublèrent, ses lèvres étaient serrées et une respiration pénible et sifflante dilatait ses narines. Il chancela et saisit sans parler la main que la marquise tendait vers lui. « Eh bien, » s'écria Onesta, se soulevant sur le divan, « qu'est-ce que me veut cet enfant ?» Luca essaya de parler, mais ses jambes fléchirent et il tomba pesamment sur ses genoux, inondant de larmes brûlantes la main de sa cousine. En même temps, 2 diamants humides jaillirent des yeux de la marquise et tombèrent dans les cheveux de Luca. « Allons, » reprit-elle après quelques instants d'un silence troublé seulement par les sanglots du jeune homme. « Allons, c'est bien. Vous m'aimez, tout est dit. Vous n'avez plus à l'avouer. Ainsi, remettez-vous. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Voyons encore. Vous m'aimez, moi, et vous n'êtes pas plus homme que cela. Eh bien quoi ? Vous m'aimez, voilà tout. » « Ce n'est pas une honte pour vous, Luca, pas plus qu'une offense pour moi. C'est un malheur, peut-être. Nous en causerons. Laissez ma main, d'abord, et puis asseyez-vous là. Mon Dieu, quel enfant !»« Me compterez-vous, messer, comment cela vous est arrivé de m'aimer ? Et le couvent, est-ce que nous y renonçons, comme cela, tout d'un coup ? Et ce monde pervers, est-ce que nous voulons y entrer ? Quand vous me regarderez ?»« Il faut parler, Luca, si vous avez la prétention que je vous entende. » « Oui, sans doute, vous avez d'assez beaux yeux. Est-ce un compliment que vous voulez ? Vous l'avez. Maintenant, j'en ai assez dit pour ma part, et je crois en bonne justice que c'est à votre tour. Vous m'aimez, vous, voilà du merveilleux. Et de quel amour m'aimez-vous, Luca ? Dites-moi cela. » Luca Dolci secoua la tête douloureusement. « Ne me le demandez pas, ma cousine, » dit-il. « Je ne sais pas mentir, et je vous le dirai. » « Dites, » fit Onesta. « L'amour que je ressens pour vous, « me fait honte et peur, » dit Luca en baissant le front, « et il vous fera rougir, vous, madame, d'avoir pu l'inspirer. »« Voilà qu'il m'insulte à présent !» s'écria la marquise, frémissant comme si on l'eût frappé. « C'est parfait. J'étais bonne pour lui tout à l'heure. Pour la première fois de ma vie, peut-être, j'étais femme un instant. Parce qu'il pleurait. Je lui parlais avec intérêt, et voilà qu'il me croit sa maîtresse et qu'il m'insulte. Ah, sotte femme, quelles sont les autres ?» « Madame, par grâce, par pitié !» s'écria le jeune homme, tendant ses mains tremblantes vers la marquise. « Songez à ce que j'étais, à ce que je fais. Ne vous offensez pas d'un souvenir amer que je donne à ma pauvre vie passée, si douce et si tranquille, à ma foi éteinte, à mon âme perdue. Je vous ai accusé, pardon, j'ai eu tort. Si l'amour que j'ai pour vous me brûle les veines comme un filtre de flamme, je sais bien que c'est ma faute et non la vôtre. C'est dans mon sang qu'est le mal. » Je vous disais que ma vie avait été heureuse. Ça n'est pas vrai, je veux tout dire. Jusque sur le pavé des églises où je heurtais mes genoux, jusqu'à la face de Dieu, j'entendais chuchoter à mon oreille notre démon héréditaire. Je suis un dolchi, vous savez. Des images étranges, de vagues voluptés, des vices inconnus se glissaient dans mon cerveau, le faisaient bouillonner et trempaient mon front d'une sueur ardente. 20 fois, j'ai vu se dresser devant moi, dans l'ombre des chapelles, des formes qui m'enivraient, des statues qui s'animaient en penchant vers moi leurs corps frissonnants, leurs beautés ployantes et demi-nues. Les vierges devant lesquelles j'étais prosterné se détachaient de leur cadre et prenaient subitement à mes yeux troublés des poses d'impure bacchante. Je sentais les parfums de leurs cheveux, les plis efféminés de leurs robes me touchaient, et à ce contact, il me semblait que mon âme s'enfuyait de mon corps profané. Voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai vu et senti et souffert durant 15 ans. Eh bien, un jour, j'ai vu, madame, où j'ai cru voir tous ces songes fixés dans un corps, dans un regard. M'entendez-vous? Tous ces enivrements et tous ces poisons étaient concentrés dans une seule fleur. Dieu l'avait jetée sur ma route et je la respirais. Et voilà de quel amour je vous aime enfin. Luca, en achevant ces mots, laissa tomber sa tête dans ses mains, mais non plus pour cacher ses larmes, car ses yeux étaient secs et brûlants. « Allons !» dit la marquise qui avait écouté les paroles fiévreuses du jeune homme avec un singulier sourire. « Allons, voilà une déclaration précieuse. Vous êtes un monstre extraordinaire et sans pareil. Je vous aime. Certes, vous avez une imagination diabolique, mon cousin, proprement diabolique. Mais causons un peu raison. Madame votre mère, comme toutes les femmes au reste, ne savait ce qu'elle faisait. Elle a voulu faire de vous un moine, hélas, et pourquoi? Parce que c'est un usage dans votre famille, dit-on, de mourir de mort violente par la main des femmes. Quoi donc? Oseriez-vous hésiter, vous, Luca? En tant coup de style étranchant brillamment le fil d'or de votre jeunesse et une vie de 70 ans dont chaque nuit serait troublée par les aimables rêveries que vous me faisiez la grâce de me conter tout à l'heure. Il faut bien admettre, mon cousin, que tout le monde n'est pas né pour entrer au couvent. Autrement, la sérénissime République serait au plus bas, vous comprenez? Eh bien, vous êtes de ceux qui ne sont pas nés pour cela. Voyez, Fra Mozzo, mon confesseur, c'est un heureux moine. Soit. Mais jamais il n'a vu, lui, de vierge changer en bacchante. Son esprit n'est point tourné à ces métamorphoses. Si j'étais entré dans un couvent, j'aurais mis le feu fatalement, machinalement, comme je respire sans le vouloir. En suivant le penchant naturel de votre vie, vous auriez été un homme de mœurs élégantes et un peu légères, voilà tout. Vous avez voulu être un saint, et toutes vos passions comprimées viennent à déborder un beau jour en un véritable torrent de corruption. Vous m'avez dit là des choses inouïes, quand j'y songe. Maintenant, que voulez-vous savoir? Si je vous aime? Non. Si je vous aimerai un jour? C'est-à-dire, interrompit Luca Dolci en fixant sur la marquise des yeux presque égarés. Si je serai mort ou vivant dans une demi-heure? Oui, dites-le-moi. Si vous serez mort ou vivant? Tenez, c'est une sotte consolation que de se tuer, Luca, de même que c'est une sotte vengeance qu'un assassinat. Dans toute âme passionnée, la première pensée du désespoir, c'est le suicide. Comme le premier mouvement de la haine, c'est le meurtre. Retenez votre bras, cousin, croyez-moi, et attendez à demain. Demain nous apporte toujours une clairvoyance plus grande pour la consolation ou pour la vengeance. Connaissez-vous Michel Gritti, messère? Qui ne le connaît pas dans Venise? Moi, reprit Onesta, mais j'ai entendu dire que toutes les femmes nourrissaient une folle passion pour lui. En savez-vous la raison? C'est que dans la sérénité d'un regard honnête, il n'y a pas, pour la plus chaste des femmes, un attrait égal à celui du feu sombre qui brille dans l'œil d'un débauché. C'est qu'une puissance étrange a doué la corruption et le vice de séduction mystérieuse, auquel l'âme la plus pure n'échappe point. C'est que, entre le cavalier au front pâli par l'orgie, tourmenté par les veilles impures, qui passent étreignant la taille d'une courtisane, et le jeune homme au visage calme et rose qui prie sur une dalle d'église, pas un œil, pas un amour de femme n'hésitera. C'est que nous avons toutes, vivante dans le cœur, la curiosité fatale et voluptueuse de notre première mère. C'est que nous avons tous dans les veines, hommes et femmes, ce sang maudit, que vous regardez, vous, orgueilleux et faible enfant, comme un de vos privilèges de famille. Vous me demandez si je vous aime, si je vous aimerais, quand il suffit que je vous regarde en face pour vous faire changer de couleur. Je n'aimerais que l'homme qui me tiendra éperdu et dompté sous son regard, comme je vous tiens en ce moment. Devenez cet homme et je serai à vous. Voilà ma réponse. » Luca Dolci, comme la marquise achevait de parler, fut pris d'un accès de rire bizarre et heurté comme le rire des fous. « c'est bon, cousine, » dit-il. « J'ai beaucoup réfléchi pendant votre tirade. »« Vous avez raison. J'ai l'air d'un apprenti sacristain, d'un sonneur de cloches joufflues. Mais soyez tranquille, je changerai. J'en ai, la nuit prochaine, une occasion superbe. Tenez-vous seulement à votre fenêtre demain à l'aurore, vous verrez. Ah ah, me voilà décidé, au moins. Ce qui coûte, c'est de se décider. Une fois qu'on a pris sa résolution, même d'aller en enfer, on sent un soulagement admirable. Adieu, ma cousine. Soyez, je vous prie, demain matin à cette fenêtre. J'y serai. Adieu, cousin, répondit la marquise. Et Luca sortit du salon, puis du palais. Il regagna à pied sa demeure. Il sentait un grand trouble au cerveau. Les nerfs de son visage lui paraissaient tendus jusqu'à éclater. Toute sa vie était concentrée dans la tête, et son corps, n'étant plus soumis à sa volonté paralysée, agissait par une sorte d'instinct machinal. Il se faisait à lui-même l'effet d'un fantôme, ne se sentant point vivre et ne s'entendant pas marcher. Il alla ainsi jusqu'à son palais, monta à la chambre où l'attendait Don José, et, en y entrant, tomba roide sur le parquet de marbre, comme une gerbe tranchée par la foudre.